Il m'a laissé tomber. Paumé. Il m'a dit, tu ressembles à Vanessa Paradis. Alors, il m'a eu. Et je l'ai aimé. Et avec une autre, il est parti. Mais ne crois pas que je vais pleurer, toi qui me regardes compatissant. Car vois comme je suis jeune et bien née. Jamais je ne porterai le poids des ans. Je resterai belle et la vie me sourira. À mes pieds, ils seront tous possédés, me dévorant des yeux comme des rats. Et sur eux, je marcherai sans pitié.